Il était un peu renversé une demi-heure avant d'arriver en onde. Renversé par un témoignage d'une musulmane. Musulmane très pratiquante, là. En fait, c'est une ancienne catholique qui s'est convertie à l'islam et qui raconte sur un site internet des jeunes Montréalais musulmans. Elle a fait la gang qui va organiser l'espèce de rassemblement radical à Montréal, là, tel que rapporté par Fabrice de Pierrebourg dans la presse à page 14 ce matin. Une série de vidéos, j'ai cliqué là-dessus. Il y avait une femme voilée. J'étais intrigué. On va écouter des extraits, mais c'est renversant. Ça vous démontre à quel point, là, si on veut éliminer le voile partout, là, au Québec, là, on est mieux de se lever de bonne heure. Non, c'est, tu joues pas avec du rationnel. Là. Donc, le premier extrait, c'est qu'elle nous raconte qu'elle pleure. Elle a pleuré quand elle a mis son voile pour la première fois. On écoute. Je pouvais pas expliquer, mais des fois même je pleurais puis je me disais il faut que je mette le hijab. Je veux pas attendre de quand je vais me marier, quand je vais avoir des enfants, parce que qui dit que tu vas te marier, qui dit que tu vas avoir des enfants, qui dit que demain tu vas pas te réveiller puis tu vas mourir puis tu vas apparaître devant Allah puis tu vas lui dire mais je voulais mettre le hijab mais j'ai pas pu le mettre. Donc j'essayais de pas penser à ça mais le temps passait. Hey, moi ça là c'est capoté. Moi là me faire dire je vais arriver devant Allah, j'aurai pas mon voile. Qu'est-ce, excusez là. Non mais sérieux là, je trouve ça hors de l'orbite de la Terre, là, comme discussion, là. Fait comment veux-tu arriver pis faire, non, c'est une loi, là, faut que tu l'enlèves. Non, voyons. Ça va voir on à là, pas là. Mourir. On va écouter tantôt, là, le prédicateur musulman radical, l'un de ceux qui semble être sur la liste, là, pour Montréal, là. Je sais pas s'il va venir, s'il viendra-t-il pas, s'il va être bloqué aux douanes ou pas, là. Qui lui dit carrément, et c'est peut-être le discours auquel elle a été exposée. Ton visage va brûler. Si tu l'exposes, si t'es pas voilé, tu vas brûler. C'est le genre de discours radical qui est livré, là. On va continuer à l'écouter. On a quand même trois autres extraits d'elle. Ben ensuite, on va écouter le prédicateur radical musulman à la fin. Là, elle nous parle de son entourage. Elle nous parle de la réaction de son entourage face au voile. C'est sûr aussi qu'une chose qui m'a vraiment aidé beaucoup, c'est mon entourage, mes nouvelles amies, mes sœurs, qui, elles, étaient toutes voilées, qui, même certaines portaient le djilbab. Toute la gang. Pour moi, même quand je sortais avec eux, des fois, j'étais un petit peu timide parce que je me disais, moi, je sors avec mes beaux cheveux et tout. Des fois, je me disais, je vais mettre un petit foulard sur ma tête. Je vais me pratiquer. Donc ça m'a aidé beaucoup. L'entourage, ça aide beaucoup dans la religion parce que si j'aurais continué à traîner avec des filles qui sont pas musulmanes ou pas voilées aussi, c'est sûr que je l'aurais peut-être pas mis nécessairement aussi vite. Traîner avec des non-musulmanes. Autrement dit, les maudits de Choran qui étaient mes chums de filles il y a 6 mois. Là. Avant, ouais. Mes nouvelles amies. Mes nouvelles amies sont toutes musulmanes. On dit-tu entourage ou influence? Non, mais c'est pas ça, moi, ce qui me fait capoter là-dedans, là, c'est que les non-musulmanes sont barrés, là. Ah oui. Tu sais, sa grande chum de fille avec qui était bien chum depuis l'âge de 15 ans, là, c'est de la merde, là. Oui, mais elle est chrétienne. Ses maudits cheveux. Mais chrétienne, elle est plus musulmane. Elle est pas musulmane, c'est pas donc c'est rationnel, encore là, c'est, ça n'a pas de sens, tu sais. Non, ça n'a pas de sens. J'étais gêné, je me promenais, là, il y avait tout le voile, même qu'il y en a, là, qui avait plus de voile que d'autres, là, j'étais gêné. T'es meilleur. Ah, c'est capoté. Je suis pas capable, moi, de comprendre. Je vais être imbécile, je sais pas. Je suis pas capable. Elle continue de te parler, Jean-Claude. Oui, le regard des hommes face au voile. J'étais plus capable de sortir puis me dire, toutes les hommes qui me regardent, et moi, je me montre à eux, c'est tout des péchés envers Dieu. Je suis si fière d'être musulmane. Et c'est comme si j'ai honte d'être musulmane, dans le fond, puisque je sors comme ça. Je veux pas. Pourquoi j'ai honte de mettre un voile? Pourquoi j'aurais honte? Pourquoi j'aurais peur des gens? Parle-moi d'une mauvaise personne, toi, qui se montre la face puis qui a les cheveux, hein? C'est terrible. Je la comprends, finalement. J'ai changé d'idée en 20 secondes. Là, elle parle de son emploi, c'est ça, dans le prochain extrait? Elle parle ouais, de son emploi. C'est toujours versus le voile. J'ai beaucoup pleuré, j'ai prié, j'ai demandé à Allah de me faciliter. Je me suis réveillée le lendemain, j'ai mis mon hijab, alhamdoulilah. Je suis partie travailler avec mon hijab. J'aurais pu perdre mon emploi. Mais Allah est grand, Allah est gentil. J'aurais perdu mon travail pour mon hijab, je l'aurais accepté. Mais j'ai pu garder mon travail, alhamdoulilah. Là, il est grand, là, il est gentil, mais si jamais je me présente de lui, pas de voile, il va me faire brûler la face. Et elles sont prêtes à perdre leur job. Si on insiste auprès des gardiennes qui portent le voile dans le CPE, tel qu'illustré ce matin à la une des journaux... Il va fermer à Baptiste. Pas compliqué. Oui. Des enfants n'auront plus de garderie. Elles n'enlèveront pas le voile. Cassez-vous pas la tête. Elles préfèrent démissionner en place. On va écouter un extrait avant d'aller à la pause. Lui, c'est un prédicateur. Oh boy, Louis Barbecue, pas à peu près, là. Il nous parle de la signification du voile. Parce que là, c'est bien beau. Elle raconte son expérience. Faut-tu s'attacher, là? Faut-tu... Lui nous parle pourquoi c'est important pour les femmes de se voiler. Attachez vos tuques. Et où est ton hijab quand tu sors en disant, ici, moi, j'ai de la pudeur? Où est ton hijab? Comment une femme peut dire, moi, je suis une femme qui a beaucoup de pudeur, alors qu'elle sort de chez elle sans son hijab? Le hijab, c'est la pudeur de la femme. Et sans pudeur, la femme n'a pas d'honneur. Et si la femme sort sans honneur, ici qu'elle ne s'étonne pas que les gens, que les frères, que les personnes qui font partie même des hommes, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans, abusent de cette femme-là et la négligent et l'utilisent comme un objet, lui donnent aucune importance. Ne la veulent ces hommes-là pas pour sa religion, pas pour sa bonne moralité, mais simplement pour son corps, simplement ici pour son visage qui attire. Malheureusement, cette sœur-là a oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de certains visages qui seront en enfer, écoute bien, qui seront retournés dans le feu de l'enfer. يَوْمَ تُقَلَّبُ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ. Le jour où leur visage sera tourné, retourné dans le feu de l'enfer. Quel visage? Peut-être le visage de la sœur, ou peut-être le visage du frère qui sortait de chez lui en s'embellissant, en oubliant qu'Allah subhanahu wa ta'ala le regardait et qu'il utilisait ce visage, ou qu'elle utilisait ce visage pour en faire mauvais usage, pour attirer ici la colère d'Allah, pour attirer les regards des hommes, pour accumuler beaucoup de mauvaises actions quand elle marchait dans la rue et que les hommes la regardaient. Peut-être, wal'iyadhu billah, que par la cause de cet égarement, ce visage sera tourné, retourné dans le feu de l'enfer. Shit. En une phrase, vous dévoilez votre visage, si vous faites violer, c'est bien votre maudit problème. Vous l'avez cherché, vous avez couru après. C'est ça qu'il dit, là. C'est capoté. Au début, hey, je m'excuse, le ton, tu sais, je veux dire, les musulmans peuvent bien avoir peur, là. Si, je veux pas généraliser, probablement des bons imams qui sont plus amour et paix, pis, mais tu sais, tu vois ce gars-là, moi, j'ai peur. Je te dis, j'ai reculé sur ma chaise, j'ai eu peur, je vais voyons donc. Tu donnes une carabine à ce gars-là, là, on n'est pas sûr, là. Il a l'air enragé. Mais oui. Il a l'air c'est enragé. Quoi le ton, pis le, il a l'air les enragé, feux pis, de l'enfer, pis tu vas brûler la sœur, pis. Ce qui ressemble, ce qui ressort de ça tellement fort, le manque de respect à l'endroit des femmes. Puis nous autres, on arrive, les bons petits Québécois. « Hey, là, les femmes sont égales à l'homme. » Il y en a du rien à foutre, lui. Quand on y dit non, ça, c'est... il y en a du rien à foutre. Regarde. Il y en a à Montréal qui prêche ça, là. Il rit dans sa barbe. Il prêche ça. Regarde-les, les débiles. La femme, c'est l'égale de l'homme. La femme n'est pas l'égale à l'homme. Pour ces gens-là. C'est triste. C'est triste à mourir, le constat, là. Mais vous l'avez entendu, là. Triste. Dernière pause, si vous êtes dans Morel Live. Morel Live. Ça m'impressionne pas, ce moment. Radio.